Assalamu ala khair al-mursalin. Bon, ils ont raconté leur aventure au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit que c'est un rizq d'Allah, c'est une subsistance qu'Allah a fait sortir de la mer pour vous. Et il a demandé s'ils avaient encore de cette viande et ils lui ont donné et il a mangé sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'est une preuve comme quoi c'est halal. Et même Abu Ubaida, il savait que c'est licite parce qu'ils ont mangé jusqu'à s'engraisser. Normalement, quand on est dans l'état de nécessité et qu'on ne trouve rien à manger, on mange même la bête morte, mais on la mange, mais pas chercher à s'engraisser. De toute façon, il savait que c'est licite de manger la viande, le poisson ou la bête morte marine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut déduire aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit est-ce qu'il a été mort dans la mer ou il a été jeté par... où il est mort juste quand il a été traîné au rivage. Il n'a pas posé de questions, donc ça c'est une preuve comme quoi même s'il est mort dans la mer ou à l'extérieur, on le mange, c'est autorisé. On rentre maintenant dans le hadith numéro 12. Hadith numéro 12 An Abi Huraira radiyallahu تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود. On rapporte d'Abu Huraira qui disait le prophète صلى الله عليه وسلم avait dit si une mouche tombe dans votre boisson plongez-la dedans puis retirez-la car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. Hadith rapporté par le Bukhari Abu Daoud. Bon, ce hadith, il a des hadiths témoins, Shawahid, qui appuie, qui le renforce. Et premièrement, le premier témoin, c'est le hadith selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, hadith rapporté par le Nasa'i, Ibn Majal, Imam Ahmad ibn Hibban, il Bayhaqi, avec une bonne chaîne de rapporteurs. Isnad sahih. Le deuxième shahid, le deuxième témoin, c'est le hadith de Anas, rapporté par Al-Bazzar ou Al-Tabarani. Et Ibn Hajar, il a dit dans son livre Fath al-Bari, Fath al-Bari, ça veut dire l'explication de Sahih al-Bukhari, il a dit les hommes de la chaîne sont dignes de confiance, sont des hommes sûrs. Les hommes qui ont rapporté ce hadith sont des hommes dignes de confiance. Troisième shahid, troisième témoin, c'est le hadith de Anas. Et là, Anas l'a rapporté de Ka'b al-Ahbar, en Tabi'i. Des fois, il y a des hadiths où le compagnon rapporte le hadith du tabi'i. Par exemple, il se peut que, on sait que les tabi'is n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais des fois, le compagnon, il rapporte le hadith de celui qui n'a pas vécu l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des successeurs. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le tabi'i soit un grand savant et qu'il prend le hadith des autres compagnons. D'accord? Donc les compagnons lui font confiance et ils prennent le hadith de lui. Ka'b al-Ahbar, il en fait partie. Il y a le quatrième témoin, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, rapporté par Ibn Najjar. Donc bon, on a énuméré ces témoins là parce qu'il y avait certaines personnes malades du cœur qui ont contesté l'authenticité de ce hadith là. Ils ont voulu le rejeter, ça ne rentrait pas dans leur tête, dans leur raison que la mouche s'étend dans la boisson, on l'enfonce et puis on la jette et on a le droit de le boire. Il a dit c'est impossible et ça ne rentre pas dans leur tête et ils ont contesté l'authenticité de ce hadith. C'est pour ça qu'on a dit il est rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud et on a ramené les autres témoins. Et de même parce que certaines personnes ils touchent aussi il touche à la réputation, à la crédibilité de Abu Huraira radiyallahu anhu, parce qu'il sait qu'il a rapporté plus de 5000 hadiths là. Mais on sait que chaque fois que Abu Huraira rapporte un hadith, on trouve un texte pareil rapporté par Anas ibn Malik par les autres. Et Abu Huraira, ça c'est à l'unanimité, il est digne de confiance, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a rapporté le plus de hadiths, il fait partie des grands savants et des grands compagnons. Donc on ne doit pas le toucher. On doit au contraire dire toujours radiyallahu anhu. Donc ce hadith est authentique. Malgré malgré les contestations de ces gens-là, ce hadith était authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc il a informé ce qu'il a informé, tout ce dont il a informé est vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Dans surat al-Najm, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc celui qui témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad c'est son envoyé et son messager, il n'a pas besoin que les découvertes scientifiques approuvent les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose et le hadith est authentique, on n'a pas à chercher ce que les médecins ou les scientifiques actuels approuvent. C'est le contraire qui est valable. D'accord ? Que si les scientifiques découvrent quelque chose et que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve cette chose, on dit oui, ce que vous avez fait, vous avez raison dans ce que vous avez découvert, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que ce que vous avez fait c'est de la vérité, ce que vous avez découvert c'est de la vérité. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit être juge sur n'importe quel scientifique, n'importe quel théologien, n'importe qui, et non pas on prend le hadith et on met les sciences, on le met sous la lumière des sciences modernes, et quand ça contredit les découvertes des scientifiques, on tord le cou du hadith et on essaie de lui donner une autre interprétation. D'accord ? Le prophète sallam, quand il dit إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء, qu'il si une mouche tombe dans votre boisson, plongez-la dedans, puis retirez-la, car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre un remède. Clair. Le prophète sallam a dit vrai. Et je n'ai pas besoin de chercher dans les découvertes scientifiques. Certes, les découvertes scientifiques augmentent la conviction, augmentent la croyance, la foi du musulman. Les scientifiques contemporains, ils ont découvert ça, que quand la mouche tombe dans de l'eau, elle lève toujours une aile. D'accord ? Et l'aile qui est enfoncée dans l'eau, elle contient la maladie, elle contient des microbes. Ils ont fait des analyses microbiologiques, hein, comme il faut, et tout, l'incubation, tout ce qui suit les étapes. Après, ils ont mis ça sous le microscope, l'eau, ils l'ont mis sous le microscope, et ils ont trouvé qu'il y a des bactéries, il y a des microbes, etc. Et quand ils ont enfoncé la mouche, ils ont fait l'expérience, ils ont analysé cette eau, ils ont vu que les microbes ont disparu. Donc, clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est vraie. Donc, quand on enfonce la mouche, c'est tous les microbes qu'elle met dans l'eau, ils s'atténuent, ils disparaissent. D'accord ? Et si on enlève la mouche et on boit cette boisson, la boisson garde sa pureté. Maintenant, des leçons de jurisprudence. Ce qui ne contient, on confirme encore, ce qui ne contient pas de sang qui coule n'est pas impur. الذي ليس له نفس سائلة ليس بنجس. Celui qui ne contient pas du sang qui coule, comme la mouche, n'est pas impur, et ce hadith-là l'approuve. Et ne devient pas impur à cause de la mort. D'accord ? Une abeille, s'il tombe dans un récipient, tombe dans un verre, etc., même si elle est morte, même s'il meurt dedans, l'eau n'est pas impure, même si elle change sa couleur, parce qu'il ne contient pas du sang qui coule. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « votre boisson », ce qui signifie que c'est la boisson, c'est une très faible quantité, c'est une petite quantité du liquide. Et on sait que la petite quantité du liquide, il change, il est vite altérable si on met de l'impureté dedans. D'accord ? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « enfoncez la mouche et jetez-la », et la boisson, malgré sa faible quantité, de toute façon, malgré sa faible quantité, vous la prenez, vous la buvez. D'accord ? si la mouche après sa mort devient impure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demanderait de jeter ce liquide là parce qu'une petite quantité n'a pas le pouvoir de purifier, n'a pas le pouvoir de dissoudre cette impureté. C'est bon, vous avez compris? Donc la mouche ou l'abeille ou le scorpion ou les moustiques, etc., quand ils tombent dans une eau, même s'ils changent sa couleur, ils ne le rendent pas impur. Il y a autre chose, c'est ce qui répugne à la personne n'est pas obligatoirement najis. C'est vrai que certaines personnes, quand la mouche tombe dans un verre de thé ou dans un verre de café ou dans un jus d'orange, et si on lui dit applique le hadith, enfonce la mouche et jette-la et bois de ce liquide, il va avoir un sentiment de répulsion. Ça c'est naturel, instinctif, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas certaines choses, il ne mangeait pas la viande du dob. Je ne connais pas la traduction de ce terme. On a invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé de manger une viande qui est comestible et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des animaux de mon pays et j'ai une répulsion. Et il a autorisé les autres de le manger. La personne a le droit d'avoir ce sentiment de répulsion. Mais il doit être convaincu que s'il enfonce la mouche et il la jette, que cette eau, que ce liquide-là, il est autorisé de le boire. Ça veut dire que si une personne à côté de lui le boit, il ne doit pas dire que c'est haram. Il doit avoir la aqida qu'il est autorisé de le boire. D'accord? Donc, le statut juridique est connu. Donc ça, concernant les insectes, s'ils tombent dans des liquides. On rentre maintenant dans le hadith numéro 13. Hadith numéro 13. An Abi Waqidin al-Laythi رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, tout ce qui est découpé d'un animal vivant est considéré comme cadavre. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi. Tirmidhi a jugé qu'il est assez bon et le texte comme il est, c'est Tirmidhi qui l'a rapporté. Donc, le degré d'authenticité. Ce hadith, il est rapporté également par l'imam Ahmed, l'Hakim, l'Bayhaqi. Et l'auteur, dont Tirmidhi l'a jugé qu'il est assez bon, et il est qualifié d'authentique par l'Hakim, et l'imam Zahabi, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il l'a approuvé. Wa wafaqahu Zahabi. Il a approuvé l'Hakim dans son jugement, qu'il a qualifié ce hadith d'authentique. Et parmi les derniers qui ont jugé qu'il est assez bon, c'est Cheikh Albani rahimahullah. Donc ce hadith, et ce hadith là, il a des hadiths témoins. Il y a hadith selon Ibn Omar rapporté par Ibn Majah et l'Hakim, c'est le premier témoin. Hadith selon Abu Sa'id al-Khudri rapporté par l'Hakim. Troisième témoin, hadith selon Tamim al-Dari rapporté par Ibn Majah et Tabarani. Mais le dernier, qui est rapporté par Ibn Majah Tabarani, il est très faible. Dans sa chaîne des rapporteurs, il y a un homme qui s'appelle Abu Bakr al-Hudali qui est matrok. On a abandonné son hadith. Bon, ça c'est pour plus de connaissances. Maintenant, on sait que pour expliquer un hadith, il faut toujours revenir aux circonstances de ce hadith. Des fois, quand on a des problèmes, quand on n'arrive pas à expliquer, ce qui aide le plus, c'est sabab. Les circonstances de ce hadith là, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il remarqua qu'il coupait les bosses de chameaux et les queues des ovins. Il coupait, des fois il l'utilisait, il les mangeait et tout. Il coupait directement, alors que le chameau est vivant, et il découpait sa bosse et il découpait les queues des ovins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est découpé d'un animal vivant est considéré comme cadavre. Et on sait que le cadavre, il est impur. D'accord? Donc, tout ce qui est coupé d'un animal vivant est considéré comme cadavre. Donc, on sait les animaux sauvages, ça ils ne sont pas concernés, on sait qu'ils sont impurs. Les animaux qui sont comestibles, les moutons, etc., les brebis, les chèvres, etc., si on leur coupe, on coupe leurs pattes, cette patte devient impure. Cette patte est considérée comme un cadavre et on n'a pas le droit de la manger. D'accord ? Les animaux sauvages, même si on les égorge, ils ne deviennent pas purs, ils ne deviennent pas comestibles parce qu'ils sont haram. Donc les leçons qu'on peut déduire, c'est l'interdiction de couper quelque chose de l'animal vivant. Là, parce que il est interdit, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on déduit de son hadith qu'il est interdit de couper quelque chose de l'animal vivant. Deuxièmement, l'interdiction de malmener un animal. Il ne faut pas malmener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé toute miséricorde envers les humains et les animaux. D'accord ? Et même la terre, de ne pas la polluer, etc. Donc, il est interdit de malmener un animal. Troisièmement, ce qui est découpé d'un animal est considéré comme cadavre. Et donc, il est illicite de le manger. Il est illicite de couper une bosse de chameau et de la cuire et de la manger parce qu'il est considéré comme cadavre. Et cadavre est impur et najis, il est haram. Et maintenant, regardez le raisonnement. Ce qui est découpé d'un animal est considéré comme un cadavre. D'accord ? Il est considéré comme sans cadavre. Ce qui est découpé d'un mouton, un mouton mort, sans être égorgé. Il est mort, comme ça. Il est pur ou il est impur ? Il est impur. On ne doit pas manger sa viande et il est impur. D'accord ? Donc, si on découpe une patte d'un mouton, on n'a pas le droit de la découper, de la cuire et le laisser mutiler comme ça. Parce que cette patte est considérée comme son cadavre et il est impur. Ah. Déduction. Ah, raisonnement. Si on découpe la patte d'une sauterelle, est-ce qu'il est pur ou il est impur ? Pur. Il est comme le cadavre de la sauterelle. Même s'il s'envole, il s'enfuit. Si on garde la patte, est-ce qu'on a le droit de la manger ? Oui, même s'il s'enfuit. La nageoire d'un poisson, on a, je ne sais pas les outils qu'ils utilisent pour. On a coupé sa nageoire et le poisson s'est enfui. On a le droit de manger cette nageoire ? Oui, parce qu'il a le même hukm, le même statut juridique que le cadavre. Et on sait que le cadavre du poisson, il est halal, il est licite et il n'est pas impur. D'accord ? Un poisson tombé dans l'eau. Si par exemple on a un récipient et qu'un poisson est tombé dans, on l'a mis dans quelqu'un, a jeté le poisson dans cette eau, même si la couleur de cette eau change, même si la couleur de cette eau, il n'est pas impur. D'accord ? Même si toi, dans la route, dans ton chemin vers la mosquée, quelqu'un a jeté sur toi un seau d'eau où il y avait des poissons, même pourri tout, il l'a jeté sur tes vêtements, tu as le droit de prier avec ces vêtements-là. D'accord ? Parce que ce n'est pas impur. C'est bon ? Donc, ce qui est découpé d'un animal dont le cadavre est pur, est pur. Non, l'eau. Si par exemple un poisson il tombe dans une eau, on sait que le poisson il contient du sang et le sang du poisson il est autorisé, il n'est pas impur, d'accord. Il rentre dans, ça fait partie du corps et de son corps et il rentre dans le hukm que c'est que le sang du poisson n'est pas impur. Si on le met dans un récipient et qu'il change sa couleur, il change la couleur et que l'eau va perdre le nom de l'eau, quand la personne tu l'appelles, tu lui dis est-ce que ça c'est une eau, il va dire non, ce n'est pas une eau, regardez comment il est rouge, donc il perd le nom de l'eau. Mais si par exemple il touche tes vêtements, tu as le droit de prier avec. Mais tu n'as pas le droit de faire les ablutions si la couleur change carrément jusqu'à ce que le liquide perde le nom d'eau. Ça veut dire que si tu invites quelqu'un, tu lui dis est-ce que ça c'est une eau, il va dire non, ce n'est pas une eau. C'est comme si tu ramènes un verre de thé à quelqu'un, tu lui dis c'est de l'eau ça, il va dire non, ce n'est pas de l'eau. D'accord? Donc si la couleur change jusqu'à faire perdre le nom de l'eau. On a parlé ça dans les cours précédents, il faut réviser. Donc ce qui est découpé d'un animal terrestre et sa viande ou sa graisse, ils sont impurs et ça, ijma' al-ulama, unanimité des savants. On n'a pas le droit de la manger et considérer comme impure, sauf les sauterelles et les poissons. Maintenant, si on veut détailler les choses dures, les cornes, les poils, les ongles ou les sabots, est-ce qu'ils sont purs ou impurs? Là, l'imam Shafi'i, il dit que les cornes, les poils, les os, les ongles, ils sont impurs. L'imam Abu Hanifa, une version de l'imam Ahmad, il dit qu'ils sont purs. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il l'a attribué à une foule de prédécesseurs de Salaf. Et le troisième avis, il détaille. Ils disent le poil et la laine, le poil, la laine, les plumes sont purs. Les dents, les os, les ongles, ils sont impurs. Et c'est l'avis de l'imam Malik et une version de l'imam Ahmed. Donc, il y a trois écoles, trois avis là-dessus. Mais le plus vraisemblable, c'est le deuxième avis pour beaucoup de raisons. C'est l'avis qui dit qu'ils sont purs. Que la laine, que les plumes, que les cornes, que l'ongle, les sabots, ils sont purs. Même de la bête morte. D'accord? Même de la bête morte. D'accord? Si on trouve une corne dans le terrain comme ça, désertique, cette corne peut être utilisée, de façon, elle n'est pas impure. Donc les cornes, les ongles, les plumes, la laine, les poils sont purs. Les arguments, ça c'est le choix de Ibn Taymiyyah, il a dit beaucoup de compagnons, beaucoup de tabi'i ont pris cet avis-là. C'est que à la base les choses sont pures, sauf s'il y a une preuve qui dit qu'ils sont impurs. Ça c'est d'une chose. À la base les choses sont pures. Deuxièmement, c'est dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est illicite concernant le cadavre, c'est le manger. C'est de manger sa viande. Donc les autres choses qu'on ne mange pas sont considérées comme licites. Ça c'est une preuve. Et les savants ont appuyé cet avis en disant que le poil, les cornes, la laine n'ont pas de vie complète. D'accord? Si on coupe la laine d'un mouton, il ne va rien sentir. Contrairement à sa viande, à sa graisse, à son sang à lui. Donc ils ont dit qu'il n'y a pas de vie complète dans les poils, dans la laine. Et donc c'est des choses considérées comme des choses pures. Le sang ne les touche pas. Donc c'est des choses considérées comme pures. Et certains savants ont dit qu'il y a unanimité, qu'il y a ijma' sur le fait de tendre les troupeaux. On peut les tendre alors qu'ils sont vivants. D'accord? On peut les tendre et utiliser leur laine. Leur laine, elle est halal. Elle est halal. Et même la laine de la bête morte, elle n'est pas impure. Elle n'est pas impure. Bientôt, quand on va parler, inshallah, de la peau, là, on va détailler. Et dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'au pèlerinage d'adieu, il s'est rasé la tête et il a donné ses cheveux à Abu Talha. Pour qu'il ait la bénédiction, il a donné ses cheveux. Et si les cheveux sont considérés comme impurs, bien qu'ils sont comme impurs, il ne l'aurait pas donné à Abu Talha, radiyallahu anhu. Donc, les cheveux, la laine, le poil, etc., sont des choses qui sont pures. Et les savants, ils ont divergé sur les os. Certains ont dit qu'il est impur et certains ont dit que c'est pur. Et ceux qui ont dit qu'il est pur, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est le madhhab de l'imam Ahmed et le cheikh Hafidhahullah, cheikh Al-Uthaymin, il a dit on le considère comme pur. Les os sont considérés comme purs. D'accord? Donc on peut les utiliser dans les choses de la vie. on peut les utiliser, ils ne sont pas des choses impures. Les os, les cornes, les ongles, tout ça, même si on, même s'ils sont découpés d'un cadavre ou de quelqu'un de vivant, d'une bête vivante, ils ne sont pas considérés comme impurs. D'accord ? Bon, on va faire un petit exercice ensemble. Hein. Maintenant, ce qui est découpé d'un être humain, est-ce qu'il est considéré comme cadavre ? Oui, d'accord. Il s'agit d'un cadavre. D'accord, si on applique le hadith, mais le hadith il s'applique sur la bête, sur le bahim, la bête, c'est pas sur l'être humain. Si on découpe sa main, et si sa main est considérée comme cadavre, a-t-on le droit de faire la prière de Janaza là-dessus ? A-t-on le droit de prier sur une main de quelqu'un ? Non. Non, quelle est la preuve ? Si la personne qui a perdu cette main est vivante, on n'a pas le droit de prier sur cette main. D'accord ? D'accord. Mais si la personne, si une personne a été dévorée par un lion et il ne reste que sa main, a-t-on le droit de prier sur cette main ? Oui. Si on est vivant, Inch'Allah, on va parler de Janaïs, on va parler de ça. D'accord ? S'il reste que sa main et s'il est déchiqueté, on peut réunir tous ces éléments, tous ces organes, et on prie, on fait la salat de l'janaza. S'il est musulman, on fait la salat de la prière du mort sur lui. D'accord ? S'il ne reste que ça. Oh, toujours, on attribue ça à l'asl, à la base. Donc, si quelqu'un a perdu un pied ou une main et tout, on n'a pas le droit de le considérer comme cadavre, puisque la personne est vivante. Mais si une personne, il perd la vie, et il ne reste de lui que son pied ou que sa main et tout, on prie sur ce qui reste. D'accord ? Maintenant, si un homme coupe la patte d'un mouton vivant, a-t-il le droit de le manger ? Est-il pur ? S'il tombe dans un récipient, il change sa couleur. L'eau est impure. L'eau, elle est impure. Alhamdulillah. L'eau est impure. D'accord ? Et c'est pour ça que le cheikh, rahimahullah, cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, il a mis ce hadith-là dans le livre, dans le statut des eaux. Ça veut dire, pourquoi si on lit le hadith comme il est, que tout ce qui est coupé de la bête est considéré comme cadavre, la personne dit, quelle est la relation entre ça et les eaux, et l'eau? La relation que si cette patte tombe dans une eau, et qu'il change sa couleur, ou son odeur, ou sa saveur, cette eau devient impure. D'accord ? Si la patte d'un rat tombe dans un récipient, il change sa couleur, il change son odeur, il change sa saveur, il devient impur, on n'a pas le droit de faire les ablutions avec. D'accord ? Maintenant, si après avoir égorgé le mouton, on égorge le mouton, on l'a égorgé, donc sa viande est halal. Et quelqu'un est venu, il a coupé, il est pressé le pauvre, il a coupé la pâte et il est allé la cuire cette pâte-là pour la manger. Est-ce qu'il est halal ou non ? Est-ce qu'il est licite ? Même si le mouton, il est en train de gesticuler, même s'il bouge, même s'il y a de la vie en lui ? Oui. Même s'il y a de la vie en lui, on a le droit de couper, même s'il est encore en train de bouger, on a le droit de couper un morceau de lui et le cuire et le manger. D'accord ? Même s'il n'est pas complètement mort. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit, hafidhahullah, il a dit, il a le statut de la bête égorgée. D'accord. Maintenant, si quelqu'un a coupé la queue d'un lézard, et cette queue est-elle considérée comme pure ou comme impure ? Le lézard, il est pur ou il est impur ? Il a du sang qui coule. D'accord. Si cette queue, est-ce qu'elle est considérée comme cadavre ou non ? Vous avez vécu dans la campagne, quand une queue de lézard est coupée, il tremble encore, il y a de la vie dans cette queue. S'il tombe dans une eau alors qu'il est en train de bouger, est-ce que l'eau est considérée comme... Est-ce qu'il est toujours considéré comme impur, cette queue, même s'il garde la vie? Même s'il garde la vie, il est considéré comme impur. Même s'il garde la vie, il est considéré... On la rapporte toujours à la base. Puisque le lézard est impur. D'accord ? Si on coupe la patte d'une sauterelle, a-t-on le droit de la manger, même si elle s'envole? Oui. De même, les nageoires, comme j'ai dit, les nageoires du poisson, il est autorisé de les manger, même si le poisson s'enfuit. Maintenant, parlons un peu du sang, le sang. Regardez. Le sang, on a dit que le sang de la bête dans la viande est comestible et pur ou impur? Il est pur. Le sang est pur. Il est impur. Il est impur. Dam haram ou najis. De la bête comestible. Par exemple, le sang d'un mouton, s'il te touche, c'est de l'impureté, c'est de najasa, tu n'as pas le droit de prier avec. D'accord? Mais la religion est la facilité à propos du sang qui reste dans les veines. On n'est pas comme les juifs, on lave jusqu'à enlever le dernier globule rouge. On a le droit de manger et la religion elle a facilité les choses. La bête sauvage, son sang il est pur ou impur? S'il te touche, si une bête sauvage est blessée, il touche ton pantalon, toi, est-ce que tu as le droit de prier avec ce vêtement là? Il est impur et donc tu n'as pas le droit de prier avec ce sang là. D'accord? Oui, on va y arriver. Donc le sang clair, il est impur. Bête sauvage ou bête comestible. Mais la religion a autorisé pour ce qui reste dans les veines quand on égorge la bête. Pour l'être humain maintenant, est-ce que le sang d'un être humain est pur ou impur? D'accord. D'accord. Le sang d'un être humain, il est pur. Le cadavre d'un être humain est pur. D'accord? Le cadavre d'un être humain est pur. Il n'est pas impur. C'est une règle qui sort des autres règles. C'est vrai, les savants ont divergé sur le sang de l'être humain. Beaucoup de paroles. Si on cherche dans les livres de jurisprudence, ils ont divergé sur beaucoup de paroles. Bon, en résumé, il y en a qui ont dit que le sang est impur. D'accord? Et d'autres ont dit qu'il est pur. D'autres ont détaillé. Ils ont dit si c'est une grande quantité, il est considéré comme impur. Si c'est une faible quantité, il est considéré comme pur. Et etc, etc, etc. Mais, on prend nous des savants qui ont fait la jurisprudence comparative, ils ont cherché et ils nous ont donné le jus, le résultat sur un plat, etc. Ils disent que le sang, Cheikh Al-Albani rahmallah, Cheikh Al-Uthaymeen et d'autres grands savants actuels, ils disent le sang qui sort des deux voies du sexe ou de l'anus, il est impur. Donc le sang des règles des femmes, il est impur. Et même après qu'elles accouchent, il est considéré comme impur. Le sang qui sort du membre viril d'un homme, il est impur. De même, le sang qui sort de l'anus, si quelqu'un par exemple est atteint des hémorroïdes, ce sang-là est considéré comme impur. D'accord. Et le sang qui coule du corps, une blessure, il n'est pas impur. Et ils ont pour cela beaucoup de preuves. C'est que les musulmans, les compagnons, ils faisaient beaucoup le jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup se blessent. Beaucoup leurs vêtements s'entachent. Et on n'a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de laver vos vêtements. Au contraire, on a même dit dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des batailles, dans une des expéditions, Abad ibn Bishr radiallahu anhu, quand il a été touché par la flèche d'un mécréant, il a continué la prière avec. Le sang, il coule, le sang a giclé, et pourtant il a continué la prière avec. Si c'était de l'impureté, il aurait dû sortir de la prière. Et l'exemple de Omar ibn Khattab, il a été poignardé, il a continué la prière. On a beaucoup d'exemples. Et autre chose, là c'est une preuve, que c'est un argument solide, les martyrs, shuhada. Le prophète a dit de ne pas les laver, de les enterrer avec leur sang. Si le sang était impur, le prophète nous aurait demandé de le laver et de laver ces martyrs-là. Donc il a dit, enterrez-les avec leur sang. D'accord ? Donc le sang qui sort du corps, il n'est pas impur. Sauf le sang qui sort des deux voies, urinaire et... D'accord ? Donc ça c'est clair. C'est ce qu'on a pris de nos savants. Et mais Cheikh Al-Uthaymeen, il dit si le sang a coulé en grande quantité, il vaut mieux le nettoyer et tout pour éviter, il a dit pour éviter les divergences, mais le plus solide, c'est de toute façon le sang n'est pas impur, qui sort des blessures, etc. Il n'est pas impur. Mais le sang, par exemple, du chien, il est pur ou il est impur? Impur. Le sang du chat? Impur. Le sang du chat, il est impur. D'accord ? Damu ma yu'kalu lahmuhu najis. Wa damu ma la yu'kalu lahmuhu najis. Le sang de la bête, écoutez-moi, le sang de la bête dont la viande est comestible est considéré comme impur. Le sang de la bête sauvage est considéré comme impur. Dans les deux cas, il est considéré comme impur, exception. Et le sang de l'être humain, il est considéré comme pur s'il ne sort pas des deux voies, d'accord ? Comme le sang des règles ou quelqu'un qui atteint des hémorroïdes, d'accord ? Donc ce sang-là est considéré, le sang de l'être humain est considéré comme pur. Et le sang du poisson, je parle des bêtes. Le sang du poisson est considéré comme pur et il est comestible, on peut le manger, et le sang coagulé qui est le foie et la rate. D'accord ? D'accord ? On va, Inch'Allah, on va parler des menstrues après, on va parler la prochaine leçon. Maintenant, on a terminé avec les eaux, de parler de l'eau, on va rentrer dans les récipients. Et qui dit récipient, dit les récipients en peau, et qui dit peau des animaux, donc on va parler de la peau. On a parlé aujourd'hui des cornes, de la laine, du poil, ce qui n'est pas touché par la vie. Maintenant on va parler de la peau, ce qui touche le corps. On va parler, bi'idnillah, la leçon prochaine, si on est vivant. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.